notre rencontre fut un cadeau, une bénédiction des dieux venus de là-haut. Un simple regard et tu m'as envoûté. Avec ton sourire, tu m'as capturé. Un bonheur où tout n'est pas toujours rose. Je ne sais comment faire, mais il faut que j'ose t'avouer à quel point je t'aime à en mourir. Un amour puissant qui m'amène à te haïr. Après l'amour vient toujours la haine. Pourtant je ne peux me résoudre puisque je t'aime. Mais je ne peux pas imaginer la vie sans toi. Malheureusement je n'ai vraiment vraiment vraiment pas de choix. Et t'aimer me fait trop de mal. Avec toi la vie n'est pas banale. Tu as une vision de l'amour qui n'offre aucun recours. Tes sentiments sont exclusifs et tout faux. Moi j'ai besoin de me laisser porter par le vent. Mais malgré toutes les fois où je me suis éloigné, je reviens toujours près de toi à tes côtés. Quand vient la haine, il n'y a plus d'espoir. Quand elle s'installe, elle peut briser une histoire. La nôtre a été réduite à l'état des miettes. Même si au départ elle semblait parfaite. Des joies, des rires, des bonheurs, des peines, des larmes, de la douleur, de l'amour, de la colère, de la haine. Une rancœur aussi récente qu'en sienne. Et quand il n'y a plus d'espoir, quand nous sommes tous les deux à broyer du noir, il y a toujours une solution. La réconciliation. Après le calme vient la tempête. Mais aujourd'hui mon cœur est en fête. Fête, fête, partagée entre la joie de te revoir et la peur d'à nouveau te décevoir. Qui veut briller par la lumière du martyr. Comme quoi je dois partir. Les regarde-toi dans la glace me lasse. J'arrête de réfléchir si mon miroir me remplace. Je suis casé dès le départ parmi ces cons qui rappent sans rien dire. Comme quoi je suis un blanc qui veut briller par la lumière du martyr. Comme quoi je dois partir. Les regarde-toi dans la glace me lasse. J'arrête de réfléchir si mon miroir me remplace. C'est décupé.